Donc, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Donc, on commence le cours 24 dans l'explication du livre Sharh Usulul Iman du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les explications du Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé maintenant au hadith numéro 34 dans les hadiths dans le chapitre de Al-Iman Billah, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les piliers de l'islam, les piliers de la foi. Donc le hadith en question maintenant c'est à propos de Ma huwa awwalu hadha al-amr. Quelle est la première chose parmi les créatures? La première chose que Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Et le cheikh, il a rapporté le hadith dans tiré de As-Sahihayn, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim. Il dit wa fi As-Sahihayn 'an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam iqbalu al-bushra ya Abi Tamim ya Bani Tamim. Iqbalu al-bushra ya Bani Tamim. Qalu qad bashartana فاعطنا قال اقبلوا البشرى يا اهل اليمن قالوا قد قبلنا فاخبرنا عن اول هذا الامر قال كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء قال فاتاني ات فقال يا عمران إن حلت ناقتك من عقالها قال فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي. Donc ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il a aussi été rapporté par l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Selon Imran ibn Husayn radiyallahu anhu qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Acceptez la bonne nouvelle, ô Bani Tamim. » Et ils ont dit « Tu nous as annoncé la bonne nouvelle, alors donne-nous. » Et il a dit ensuite « Acceptez la bonne nouvelle, ô habitants du Yémen. » Ils ont dit « Nous l'acceptons. » Alors informe-nous à propos de la première chose. Hein, la première des choses. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah était avant toute chose. Et son trône était sur l'eau. » C'est-à-dire, Allah était avant toute chose, c'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala était avant toute chose et son trône était sur l'eau. Et il a écrit dans la table préservée. Le rappel de toute chose ou la mention de toute chose. Il a écrit dans la table préservée la mention de toute chose. Et quelqu'un est venu et il a dit « Oh Imran, ta chamelle s'est enfuie, s'est détachée. Alors je suis sorti pour la poursuivre et je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé après. » C'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit par la suite. Donc Imran ibn Husayn, qui est le rapporteur du hadith, il mentionne ce qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, jusqu'à ce qu'il il parte pour rattraper sa chamelle qui s'était détachée. Cheikh Al-Fawzan, il explique ce hadith. Il dit, « Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, « arada al-bushra ala bani tamim, walakinnahum ista'jalu dhalik, wa qalu, a'tina » دون أن يستفسروا ويعرفوا حقيقة هذه البشرة وإنما كان همهم نصيبهم من عرض الحياة الدنيا فقالوا بشرتنا فأعطنا قال تعالى وكان الإنسان عجولا فأعرض عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لأهل اليمن اقبلوا البشرة يا أهل اليمن قال ذلك بعدما لم يقبلها بنو تميم فقالوا قد قبلنا فأخبرنا عن هذا أول الأمر ذلك أن بني تميم لم يقبلوا ولكنهم قالوا أعطنا ظنًا منهم أن البشرى أمر دنيوي. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا قصده، ولذلك كان أهل اليمن أحسن أدبا من بني تميم، فقالوا قد قبلنا يا رسول الله، فأخبرنا عن أول هذا الأمر، يعني عن أول هذا الخلق. فقد طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم بداية هذا الخلق. والخلق لا شك أنه حادث وأن له بداية، وأما الخالق جل وعلا فإنه ليس له بداية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني في هذه الأسماء الأربعة المتقابلة. وقوله كان الله قبل كل شيء يعني أنه سبحانه ليس له بداية، وأما المخلوقات فإنه لها بداية لأنه هو الأول فليس قبله شيء سبحانه وتعالى. Donc on va aller jusqu'ici. Le Cheikh il a expliqué que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a présenté à la tribu de Tamim la bonne nouvelle, une bonne annonce. Mais ils se sont précipités et ils ont dit « Donne-nous !» sans demander plus d'explications pour savoir la réalité de cette bonne annonce, de cette bonne nouvelle. Parce que la seule chose qui, la seule chose qui les intéressait, c'était une part de la dunya, une part de la vie de la dunya. Ils pensaient que c'était un bien de la dunya qui devait leur être offert. Alors, ils ont dit, tu nous as donné la bonne nouvelle, alors donne-nous. Et le Cheikh, il cite le verset 11 dans Surat al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. L'être humain, il est pressé. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé comme ça. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, s'est détourné d'eux. Il s'est détourné de Banu Tamim. Et il s'est tourné vers les gens du Yémen. Et il a dit, ô habitants du Yémen, accepter la bonne nouvelle. Et ça, c'est après que les gens de Banu Tamim ne l'aient pas accepté. Hein, ils ont dit, hein, tu nous as informé, hein, et les gens du Yémen, ils ont dit, ô messager d'Allah, nous avons accepté la bonne nouvelle. Maintenant, informe-nous de la première de ces choses. Hein, informe-nous de la première chose, hein, que Allah a créée. Et il a dit, ça c'est parce que Banu Tamim, étant donné qu'eux, ils n'avaient pas accepté la bonne nouvelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donnée, et ils ont dit à la place, donne-nous, en pensant que la bonne nouvelle c'était un bien matériel ou quelque chose de la dunya. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas ça son intention. C'est pour ça qu'il s'est tourné par la suite vers les gens du Yémen, parce que les gens du Yémen avaient eu un meilleur comportement que Banu Tamim par rapport à ça. Alors, ils ont dit, nous avons accepté ta bonne nouvelle, ô messager d'Allah. Informe-nous à propos de la première des choses, c'est-à-dire la première de cette création. Et donc, ils ont demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il leur explique et qu'il leur clarifie cette création. C'est-à-dire, cette création, parce qu'il n'y a pas de doute que la création, elle est créée, hein? C'est quelque chose qui a un début. La création de la dunya, hein, de ce bas monde, il a un début. Il dit, tandis que le créateur, lui, il n'a pas de début. Le monde, il a un début, il est créé. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de début. Allah n'est pas créé, il est éternel. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans l'invocation qui est rapportée par l'imam muslim selon Abi Huraira, « Oh Allah, tu es le premier, il n'y a personne avant toi. » Et tu es le dernier, il n'y a personne après toi. Et tu es al-dhahir, l'apparent, il n'y a personne au-dessus de toi. Et tu es le caché, il n'y a personne qui est plus près que toi. Et ça, c'est l'explication de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une explication du verset dans le Coran. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Donc ça, c'est les quatre noms qui s'opposent, les quatre noms qui sont un par rapport à l'autre, disons un face à face à l'autre. Al-Awwal qui fait face à Al-Akhir. Et Al-Zahir par rapport à Al-Batin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a ces quatre noms. Et Al-Awwal ou Al-Akhir, c'est par rapport au temps, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de début et il n'a pas de fin. Donc il est éternel. Il n'y a personne avant lui, il n'y a personne après lui. Et par rapport à l'espace, Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui est au-dessus de tout. Et il n'y a personne qui est au-dessus de lui. Et il est le caché, dans le sens qu'il est près de tout. Et il n'y a personne qui est plus près de quelqu'un que lui. C'est-à-dire qu'il est près de toute sa création, par sa science, par sa connaissance, et par son ouïe, et par sa vue. Donc, le cheikh, il dit ensuite, et quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et Allah existait avant toute chose, c'est-à-dire, Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de début, n'a pas de commencement. Et tandis que les créatures, elles ont un commencement. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, il est le premier, il n'y a personne avant lui. Il dit, وَقَوْلُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ أَيْ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي فَوْقَهُ السَّمَوَاتِ وَهَذَا فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَرْشُ هُوَ أَوَّلُ الْمَخْلُوقَاتِ وَهُوَ أَعْلَاهَا وَهَذَا لَيْسَ قَبْلَ الْعَرْشِ شَيْءٌ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ يعني وَكَانَ عَلَى الْمَاءِ وَهُوَ بَحْرٌ فِي السَّمَوَاتِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ وَمَا بَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ مسيرة 500 عام والعرش على الماء والله عز وجل على العرش يعلم ما أنتم عليه كما قال تعالى وكان عرشه على الماء. Donc il dit le cheikh que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos du trône qu'il est sur l'eau. Donc le trône d'Allah azza wa jal, il est au-dessus de toutes les créatures et il est sur l'eau, il est placé sur l'eau. Et cette eau, c'est l'eau qui est au-dessus des cieux. Et le cheikh, il dit que ça, c'est la preuve que la première des créatures que Allah a créée, c'est le trône. Et c'est la plus élevée de toutes les créatures. Et il n'y avait pas de créature avant le trône. Parmi les créatures, il n'y avait pas de créature avant le trône. Et il est sur l'eau. Il a été créé sur l'eau. Et cette eau, c'est un océan. C'est un océan dans les cieux. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un autre hadith qui est rapporté par At-Tabarani, dans Al-Kabir, selon Ibn Mas'ud, il dit entre le coursi, le pose-pied, et l'eau, wa alaykoum salam wa rahmatullah, il y a une distance de 500 ans. Et le trône est sur l'eau. D'accord? Donc il y a le trône d'Allah, après il y a l'océan, ou de l'eau qui est en dessous du trône, la distance qui sépare le trône et le coursi, c'est 500 ans. Et en dessous de l'eau, il y a le coursi. Le coursi qui est le pose-pied. Donc, le cheikh, il dit, et Allah Azza wa Jal, donc, il dit, son trône est sur l'eau, et Allah Azza wa Jal, il sait ce dans quoi vous êtes, ou ce dans la situation dans laquelle vous êtes. Et comme Allah il le dit dans le Coran, وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, le verset 7 dans Surat Hud, son trône était sur l'eau. وَقَوْلُهُ كَتَبَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ ذِكْرَ كُلِّ شَيْءٍ هَذَا فِيهِ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَحْدُثُ مِنْ أَوَّلِ الْخَلْقِ إِلَى آخِرِهِ إِنَّمَا هُوَ مُقَدَّرٌ وَمَكْتُوبٌ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَفِي هَذَا إِثْبَاتُ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ والكتابة في اللوح المحفوظ وقوله قال فأتاني آت فقال يا عمران إن حلت ناقتك من عقالها إلى آخره لم يكن Imran radiallahu anhu استكمل كلامه مع الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب أن ناقته كانت قد انحلت من عقالها فلما أخبر بذلك خرج في إثرها لطلبها ولم يكن قد أدرك آخر الحديث. Donc le cheikh il explique pour terminer que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a écrit dans la table préservée la mention de toute chose. Et ça, il y a dans ça le fait que il dit que tout ce qui va arriver et tout ce qui a été créé depuis le début de la création jusqu'à la fin, c'est quelque chose qui a été prédestiné par Allah et écrit dans la table préservée. Et ça, c'est quelque chose qui vient affirmer et confirmer la foi en le décret divin et la prédestination et le fait que Allah Azza wa Jal a tout écrit dans la table préservée. Et il dit également que ensuite quelqu'un est venu voir Imran ibn al-Hussein pour lui dire que sa chamelle s'était enfuie et s'était détachée. Alors Imran radiallahu anhu n'a pas pu entendre la suite de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, justement à cause du fait que sa chamelle s'était détachée, qu'elle était partie. Donc lorsqu'il est parti pour aller l'attraper, il n'a pas pu entendre la fin du hadith, hein? Donc ça, c'est le hadith en question qu'on a lu aujourd'hui, donc avec l'explication du cheikh. Et donc on va s'arrêter aujourd'hui pour ça et on continuera la suite au prochain cours, le hadith suivant, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.